Je pleure nuit et jour pour cette vie qui est dure. Je ne sais pas quoi faire, l'oppression du monde me serre. Je suis bloqué. Je suis bloqué. Mais je sais qu'il y a quelqu'un qui est le maître de tout. Dans mon espace, l'obscurité profonde autour de moi, je suis bloqué. Je suis bloqué. Mais je sais qu'il y a quelqu'un qui peut éclairer mon chemin. Jésus-Christ, ma lumière, mon tout en tout. Tout en tout, ma bannière, mon appui et mon abri, mon appui et mon abri. Jésus-Christ, le grand diamant, la plus belle pierre de ce monde, il s'est laissé broyer. Jésus-Christ, la rose des Sarons, la plus belle fleur de ce monde, il s'est laissé presser pour que je sois parfumé, mon parfum. Jésus-Christ, la rose des Sarons, la plus belle fleur de ce monde, alors que je t'ai puant par les choses de ce monde.